Qu'a dit votre jolie cousine ? Qui vous a dit qu'elle était jolie ? Demanda vivement Lisbeth avec un accent où rougissait une jalousie de tigre. Mais vous-même ? C'était pour voir la grimace que vous feriez. Avez-vous envie de courir après les jupes ? Vous aimez les femmes. Eh bien, fondez-en, mettez vos désirs en bronze, car vous vous en passerez encore pendant quelque temps d'amourette, et surtout de ma cousine, chère amie. Ce n'est pas du gibier pour votre nez. Il faut à cette fille-là un homme de 60 000 francs de rente, et il est trouvé. « Tiens, le lit n'est pas fait, » dit-elle en regardant à travers l'autre chambre. « Oh, pauvre chat, je vous ai oublié. » Aussitôt, la vigoureuse fille se débarrassa de son mantelet, de son chapeau, de ses gants, et comme une servante, elle arrangea lestement le petit lit de pensionnaire où couchait l'artiste. Ce mélange de brusquerie, de rudesse même et de bonté peut expliquer l'empire que Lisbeth avait acquis sur cet homme de qui elle faisait une chose à elle. La vie ne nous attache-t-elle pas par ses alternatives de bon et de mauvais ? Si le Livonien avait rencontré Madame Marneffe, au lieu de rencontrer Lisbeth Fischer, il aurait trouvé dans sa protectrice une complaisance qui l'eût conduit à quelque route bourbeuse et déshonorante où il se serait perdu. Il n'aurait certes pas travaillé, l'artiste ne serait pas éclos. Aussi, tout en déplorant l'âpre cupidité de la vieille fille, sa raison lui disait-elle de préférer ce bras de fer à la paresseuse et périlleuse existence que menaient quelques-uns de ses compatriotes.